À l'occasion du 7e congrès du Parti Travail de Corée, l'Institut international des études Juche et l'Association de liaison nationale pour l'étude du kimilsonisme et kimjongilisme du Japon ont fait parvenir les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu. Les membres de l'Institut international des études Juche en visite en Corée les ont déposés le 5 courant devant les statues en bronze des grands leaders. Par ailleurs, toujours à l'occasion du 7e congrès du Parti Travail de Corée, la délégation de l'Institut international des études Juche, conduite par son secrétaire général Ogami Kenichi, est arrivée le 5 par vol à Pyongyang.